À l'issue de l'année 2021, le sentiment qui prédomine en France, selon une récente enquête d'opinion, est la fatigue. Nous sommes toutes et tous globalement fatigués. Mais si jusqu'à une personne sur quatre se dit régulièrement fatiguée, seule une infime proportion souffre d'un syndrome bien particulier qui est celui de la fatigue chronique. Cette maladie bien particulière qui touche entre 0,2 et 0,5% de la population reste mal diagnostiquée, souvent sous-estimée et surtout quasiment dénuée de traitement. Aujourd'hui, la multiplication des cas de Covid long engage à réévaluer et à redéfinir ce qu'est exactement ce syndrome de fatigue chronique. Chronique d'une fatigue annoncée, c'est le programme épuisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de définir précisément ce qu'on entend par syndrome de fatigue chronique, ce que dit la recherche de ses origines et des possibilités de traitement, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Retornaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne à l'hôpital européen de Marseille. Nous sommes ici en studio avec François-Jérôme Autier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, membre du comité de gestion du réseau européen sur l'encéphalomyélite myalgique, qui est un autre nom du syndrome de la fatigue chronique et donc du syndrome de fatigue chronique. Et vous êtes également responsable du centre de référence des maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue et confrère Yann Cornillier. Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste au magazine de l'INSERM qui vient de publier son numéro du mois de janvier. C'est le numéro de 54. Vous avez contribué... 52. J'ai quelques numéros d'avance. Et dont le dossier principal est précisément consacré au syndrome de fatigue chronique. Vous allez donc mener cette interview et cette émission avec moi. Et on commence par celle qui, elle, n'est jamais fatiguée le lundi. Jamais. Pour repartir sur une semaine de Journal des Sciences, c'est Natacha Triou. Bonjour, Natacha. Nicolas. Et selon une étude parue dans la revue Science, l'industrie des hydrocarbures libère dans l'atmosphère d'immenses quantités de méthane. Oui, le méthane, c'est un gaz à effet de serre important. Il a un pouvoir réchauffant qui est 30 fois supérieur au CO2. En revanche, il ne va pas rester 150 ans dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, mais environ une dizaine d'années. Il est essentiellement produit par les activités humaines, agriculture, gaz, pétrole, charbon. Une équipe internationale a voulu quantifier et cartographier les fuites de méthane des infrastructures pétrolières et gazières. Les chercheurs pensaient que ces fuites seraient accidentelles et aléatoires. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont utilisé une grande base de données, 2 ans d'images satellitaires, qu'ils ont analysées grâce à un algorithme. Selon leur modélisation, ces industries libèrent 8 millions de tonnes métriques de méthane par an. Ce sont des volumes massifs et ces chiffres sont sûrement sous-estimés car dans certaines zones, nous manquons de données. Thomas Lovo est chercheur CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay. Il est l'auteur principal de cette étude. On a un faisceau d'épreuves qui nous font dire que on est essentiellement sur des opérations de maintenance et des opérations sur les sites gaziers. Les autres faisceaux de preuves sont généralement, sont venus aussi d'enquêtes de journalistes. Le journal Bloomberg a repris beaucoup de nos cas et a été fouillé. Et on voit que sur les 10 ou 15 cas qui ont été récupérés, c'est toujours des problèmes de maintenance. On est dans des fuites qui sont relativement courtes, une journée, 2 journées maximales. Donc on est bien vraiment dans de la fuite qui est contrôlée et maîtrisée. On n'est pas dans un matériel défaillant qui va mettre 2 semaines avant d'être réparé. On le retrouve sur les exploitations de pétrole aussi, parce que dans le cadre du pétrole, le gaz est un déchet, en fait. Ils ne sont pas intéressés par le gaz. Donc il faut qu'ils s'en débarrassent. Les conventions font que généralement, ils le passent dans les torchières. Et quand la torchière ne marche plus, même chose, on retrouve des fuites qui sont là quasi permanentes, qu'on a trouvées en Algérie aussi, où pendant des semaines et des mois, on voit ces énormes quantités de méthane qui sont relâchées dans l'atmosphère et qui ne devraient pas, puisqu'ils devraient être brûlés. Alors le méthane, c'est là un gaz très intéressant. C'est un gaz qui est vraiment parfait pour agir, puisqu'il peut avoir des effets très forts sur le court terme. Ce qui nous arrange, parce que là, on a un besoin d'action climatique, et donc c'est vraiment dans ces gaz-là sur lesquels il faut agir. Et dans le cadre du méthane, c'est en plus de la perte d'argent, parce que finalement, c'est du gaz naturel qui part dans l'atmosphère. Donc c'est à la fois, on va payer la note au niveau du coût sur le gaz naturel, des fuites dans le réseau, et à la fois, on va payer les conséquences climatiques de ce gaz-là, qui va avoir un pouvoir réchauffant énorme. Donc vraiment, l'action rapide sur ces centaines de fuites qu'on voit, et on se dit centaines, c'est beaucoup, mais en réalité, c'est très peu. Parce que si on prend à l'échelle d'un pays, on avait en moyenne 50 ou 100 fuites par an, peut-être, à détecter. Ce qui veut dire que si on évitait ces 100 fuites, là, on peut faire l'équivalent d'un programme entier, par exemple, des émissions du trafic. Pour donner une équivalence, les fuites qu'on a découvertes sur le monde entier, ça représente 20 millions de véhicules par an, 20 millions de véhicules qui seraient enlevés de la route. Ou alors, ça représente les émissions de la Hollande quasiment depuis la révolution industrielle. Donc, c'est vraiment non négligeable pour une action qui serait assez facile à mettre en œuvre et pour récupérer, et c'est un double gain, puisqu'on récupère de l'argent et on évite un réchauffement climatique derrière. Voilà, et vous pouvez voir non seulement l'étude publiée dans CNN, ainsi que ces fameuses photos satellites, tout ça a été reposté comme chaque jour sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans NPG Climate and Atmospheric Science, les glaciers de l'Everest fondent plus vite qu'on ne le pensait. Et même le plus haut glacier du mont Everest est touché par le réchauffement climatique. Une équipe américaine a analysé les données de stations météorologiques et des carottes de glace prélevées à de haute altitude. En 25 ans, les glaciers de l'Everest ont perdu 55 mètres de glace, ce qui est environ 80 fois plus rapide que la glace formée au cours des deux derniers millénaires. La hausse des températures, mais aussi des vents plus forts et moins humides, explique ce phénomène. Un phénomène qui s'intensifie depuis la fin des années 90 et qui menace directement les populations qui dépendent de l'eau potable de ces glaciers. Selon les auteurs, les monts himalayens sont les sentinelles des autres glaciers du monde. La perte de couverture de neige est critique. Je cite, « Le plus haut glacier du mont Everest semble destiné à un retrait rapide ». Selon une étude parue dans The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nous avons découvert la plus jeune paire d'astéroïdes. Et grâce à plusieurs télescopes, une équipe tchèque a repéré dans notre système solaire et près de la Terre un astéroïde binaire, un duo d'astéroïdes, 2019 PR2 et 2019 QR6 qui tournent l'un autour de l'autre. Leur composition est identique, deux astéroïdes de type D, un type rare parmi les objets géocroiseurs, et selon les auteurs, ils se seraient détachés d'un même corps il y a 300 ans. 300 ans sur une échelle de temps astronomique, c'est comme si ce duo venait tout juste de se former. Néanmoins, il reste des mystères autour de leur formation et de leur évolution. Nous devrions pouvoir les observer plus précisément d'ici 2033. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Communication, les moustiques ne sont attirés que par un certain type de couleur. Et les moustiques chassent par l'odorat et par la vue, mais on sait peu de choses sur les teintes qui les attirent. Une équipe américaine a mené différentes expériences avec des moustiques, enfermés dans des boîtes, avec différentes cibles colorées, dont des mains de chercheurs. Alors, lorsqu'ils ont détecté un gaz qui indique la présence d'un hôte, comme le CO2 de notre haleine par exemple, les moustiques s'orientent alors vers des couleurs spécifiques, le rouge, l'orange, le noir et le cyan. Ce sont les spectres de couleurs de la peau humaine qui est, quelle que soit sa pigmentation, dominée par ses longueurs d'onde qui émet un fort signal rouge-orange. Mais les chercheurs ont aussi découvert que les moustiques ont snobé les cibles lorsqu'elles étaient violettes, vertes, bleues ou blanches. Et grâce à vous, maintenant, je saurai comment m'habiller l'été. Merci beaucoup, Natacha. Et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Deux mois d'hiver, une luminosité encore faible, deux ans de pandémie dans les pattes, tout cela n'aide pas, il faut bien l'admettre, à déborder de forme. Pas étonnant dans ces circonstances que la fatigue soit le principal sentiment qui apparaisse lorsqu'on interroge les Français sur leur morale et leur forme. Oui, mais voilà, il y a fatigue et fatigue. Cette fatigue légère, passagère, même si on a parfois l'impression qu'elle s'installe dans la durée. Et l'autre fatigue, la fatigue chronique, un syndrome dont tous les professionnels estiment que le nom est précisément bien mal choisi et dessert les patients qui souffrent de cette affection. Qu'entend-on exactement par fatigue? Quels états recouvrent ce mot? Écoutez la réponse du docteur Henri Péquignot, qui est généraliste, professeur de clinique médicale dans La Science en Marche. Nous sommes sur France Culture en 1973. Quand quelqu'un dit qu'il est fatigué à des profanes, en dehors de la relation professionnelle, c'est souvent parce que il a une espèce de pudeur, d'ailleurs légitime, à vouloir échapper à une conversation trop précise sur sa santé. Quand il est devant un médecin, très souvent il aborde plus directement les symptômes qui l'inquiètent. Néanmoins, un certain nombre de nos malades, et je crois qu'il y a une continuité entre les deux phénomènes, se présentent sans une plainte plus précise que celle d'une fatigue. Je crois que dans le cas du mot fatigue, il a autant de sens que de gens qui l'emploient et de gens qui l'entendent. Et que quand il est employé dans un dialogue, les deux partenaires du dialogue l'entendent souvent de façon différente. Et je pense que, je vous disais tout à l'heure, quand un malade qui se sait malade répond à une question, qu'est-ce qui vous arrive, non pas par son diagnostic qu'il connaît, mais par cette phrase, je suis fatigué, au fond, il essaye de cacher à l'interlocuteur, de servir comme d'un écran de ce mot fatigue. Et ceux qui viennent voir le médecin en ne parlant que de leur fatigue, c'est souvent un espèce d'écran qu'ils veulent mettre vis-à-vis d'eux-mêmes. Et en effet, c'est moins angoissant de se dire qu'on est fatigué que de se dire qu'on est malade. Voilà, la définition de ce mot déjà polysémique et un peu embarrassant pour la médecine, qu'est le mot fatigue. Votre réaction, Frédéric Retornaz, à cette archive et plus généralement, finalement, à ce mot qui dessert plus l'affection qu'elle décrit qu'elle ne la met en valeur. Oui, tout à fait. J'ai bien écouté. Donc, la fatigue écran, c'est sûr que nous, cliniciens, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le voit. Personnellement, moi, je vois des patients qui sont malades de la fatigue, mais qui ont aussi d'autres symptômes. Et je crois que notre rôle, c'est, quand un patient vient avec ces fameuses fatigues chroniques, c'est de faire une enquête très précise, parce qu'il y a fatigue et fatigue, et que les syndromes de fatigue chronique ont des déterminants qui se rejoignent, et au fur et à mesure de l'interrogatoire, un syndrome de fatigue chronique s'identifie assez facilement par un certain nombre de critères, et ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est déprimé ou quelqu'un qui a une autre maladie chronique avec une fatigue. François Jérôme Autier, votre réaction à cette archive, et puis est-ce qu'il faut, puisqu'on est au début de cette émission, renoncer à cette appellation qui est pourtant celle qui est la plus connue de syndrome de fatigue chronique pour d'autres appellations? Il y en a d'autres qui lui font concurrence. Oui, bien sûr, vous avez raison. Cette archive est très intéressante parce que elle met bien en avant ce que vous disiez, hein, c'est le caractère polysémique du terme fatigue, qui est un terme de la vie quotidienne. On est tous fatigués le soir après une journée de travail, et qu'on utilise pour désigner une maladie qui est une maladie invalidante, chronique, qui affecte heureusement un nombre limité mais important de patients. C'est parce que 0,2%, 0,5% d'une population générale, ça fait beaucoup de monde en fait. Oui, bien sûr, oui. Voilà, ça fait petit comme chiffre quand on le dit, mais pourcentage, mais c'est beaucoup. Donc voilà, c'est un spectre qui est extrêmement large de conditions et qui pose vraiment un problème de reconnaissance de la maladie. Non, je vous en prie. Yann Cornillier, un mot. Oui, non, je voulais juste, du coup, comment on doit l'appeler, en fait, cette maladie, aujourd'hui? Sachant que je pose cette question, c'est aussi, je me fais le porte-parole des associations de patients, avec qui on a été en contact pour faire notre dossier. Et effectivement, tout le monde n'est pas d'accord sur le terme, et ça a l'air d'être assez épidermique. C'est un sujet très épidermique, parce qu'en fait, fatigue, c'est le terme anglo-saxon qui a été transposé en français. Et en anglais, fatigue, c'est beaucoup plus fort. On aurait dû traduire ça par épuisement, en fait. Pour nous, ça aurait été déjà plus réaliste et ça correspondrait plus à ce que ressentent les patients. Alors malheureusement, le terme de syndrome de fatigue chronique, il est maintenant très utilisé, très ancré. Et les gens le connaissent bien, on le comprend quand même, vaguement on comprend ce que ça veut dire. L'autre terme qui est celui d'encéphalomyélite myalgique, c'est un terme qui est tout autant controversé, puisque les neurologues disent on n'a pas la démonstration qu'il y ait une encéphalite et une myélite chez ces patients. Pourtant, il traduit l'idée que ces patients avaient quand même une atteinte sévère. Ça c'est un premier élément, notamment neurologique quand même. Il y avait l'idée que ça puisse être neurologique, et le fait que les patients ont très souvent des douleurs musculaires. Donc à ce titre-là, il est peut-être un peu plus valorisant, il fait plus vraie maladie. C'est un terme qui est aussi très utilisé. Puis il y a ce qu'on appelle la MISE, je ne sais pas si l'acronyme est très bon, mais c'est la maladie de l'intolérance systémique à l'effort. Qui est une terminologie qui a été adoptée outre-Atlantique depuis 2015, où on parle donc de SEID pour Systemic Exertion Intolerance Disease, qui est la traduction. Et donc là, qui met en avant un élément qui est vraiment l'intolérance à l'effort. Et ça, c'est une composante qui n'était pas présente dans les définitions, notamment dans certaines définitions, notamment celle du SFC, enfin du syndrome de fatigue chronique, 1994, les critères CDC. On ne met pas maintenant, on le rajoute volontiers, mais ça en fait partie actuellement. Mais si vous voulez, au départ, c'était pas mis en avant, probablement parce que ça traduit des situations qui peuvent être un peu différentes. Et ça montre bien qu'il y a quand même besoin d'une stratification des patients, et peut-être qu'on arrive à englober des situations qui ne sont pas exactement les mêmes, ou que la symptomatologie évolue avec le temps. C'est aussi une possibilité. Frédéric Retornaz, votre point de vue sur ces différentes appellations, et puis ce serait bien qu'on trouve un accord pour la suite de cette émission. Est-ce qu'on parle de SFC parce que c'est finalement courant, ou est-ce qu'on parle plutôt de mise parce que c'est quand même plus proche de la réalité des symptômes et de l'affection qui touche ces patients? Alors moi, j'aurais du mal à mettre tout le monde d'accord, vu que ça fait des années que tout le monde qu'il y a une polémique à ce sujet. Je crois que le terme est extrêmement délétère, syndrome de fatigue chronique est complètement galvaudé et il dessert les patients. Et je crois qu'il est urgent qu'on réfléchisse. Il y a des critères internationaux, il y a des définitions, il y a des classifications comme la CIMDIS qui reprend ces termes-là. Mais je crois qu'il faut arriver à enlever l'élément péjoratif qu'est la fatigue, entre guillemets. C'est un terme qui est trop générique pour définir quand même ce que vivent des patients au quotidien, avec notamment, comme le disait Jérôme tout à l'heure, ces fameux malaises post-effort qui sont vraiment au cœur de la sémiologie de ces patients. Je ne sais pas, c'est vrai que nous, on a tendance à coller les deux, c'est-à-dire le fameux EMSFC pour mettre les deux termes. Quand vous parlez d'encéphalomyélite, les gens vous écoutent un petit peu plus et les patients se reconnaissent plus dans quelque chose qui, entre guillemets, a un terme un peu plus médical, même si ce n'est pas forcément le bon terme. En tout cas, quand vous parlez de syndrome de fatigue chronique, que vous soyez médecin ou patient, en général, on a tendance à vous considérer légèrement moins bien. Et c'est très délétère pour les patients. France Culture. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de cette maladie connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique, que l'on peut appeler maladie de l'intolérance systémique à l'effort ou encéphalomyélite myalgique. Nous en parlons avec Frédéric Retornaz, François-Jérôme Autier, et j'ai à mes côtés mon confrère Yann Cornillier, qui est rédacteur en chef au magazine de l'Inserm, dont nous sommes partenaires et qui consacre donc son numéro de janvier à cette pathologie. Peut-être qu'on peut, Frédéric Retornaz, essayer de la définir. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on entend par SFC? Alors, c'est un ensemble, c'est une maladie à critères, c'est-à-dire que pour l'instant, nous n'avons pas de biomarqueur, il n'y a pas de signature biologique de cette maladie. Et lorsque l'on voit un patient qui se plaint de fatigue chronique, on va essayer d'aller chercher les éléments qui nous permettent de définir cette fameuse maladie, notamment cette fatigue qui persiste depuis plus de 6 mois, qui a un certain nombre de critères. Elle doit être suffisamment invalidante pour modifier le quotidien de la personne. Ce fameux malaise post-effort qui lui aussi est, de mon point de vue, mal étiqueté, parce que le mot effort, on entend activité physique dans l'inconscient collectif, alors qu'en fait, ce sont des patients qui vont présenter un épuisement après un certain nombre d'activités. Alors, ça peut être de l'activité physique, mais ça peut être aussi une activité intellectuelle ou une activité émotionnelle. Et toute la problématique est dans la reconnaissance de ces états d'épuisement qui surviennent de façon retardée chez certains patients. Donc c'est très difficile à l'interrogatoire pour ceux qui ne font pas leur malaise, on va dire, dans les 24-48 heures. Et puis il y a un certain nombre aussi d'autres symptômes dont les patients se plaignent, ce fameux brouillard cérébral, nous ce qu'on appelle le fog, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, un sommeil qui n'est pas réparateur, un certain nombre d'autres symptômes également. Ce sont des patients qui ont souvent des fatigues un peu particulières, avec des difficultés à respirer, des tachycardies quand ils restent debout, des palpitations, des vertiges, et puis ce qui ressemble un petit peu à des états post-infectieux qu'on observe chez beaucoup de nos patients, ces fameuses douleurs dans la gorge, des ganglions qui gonflent et qui dégonflent, le fameux flu-like, c'est-à-dire comme si on avait une grippe sans la fièvre. Donc il y a un certain nombre souvent l'enquête est importante, il faut aller chercher des symptômes que le patient ne donnerait pas au premier abord, et qui permettent ensuite, en fonction d'un certain nombre de critères, de poser ce diagnostic avant de faire éventuellement d'autres examens. Alors on sait, et on va en reparler, qu'il y a un vrai problème d'errance diagnostique pour les patients qui souffrent de EMSFC, parlons et appelons-la comme ça. Concrètement, aujourd'hui, François-Jérôme Autier, qu'est-ce qui fait, à quel moment je peux m'inquiéter pour ma santé? C'est-à-dire, quels sont vraiment les signes? Est-ce qu'il y a des signes discriminants? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que je suis fatigué parce que je travaille trop, parce que c'est l'hiver, parce que je me réveille le matin, j'ai encore du mal à sortir du lit? Est-ce que je dois commencer à m'inquiéter? Vous voyez, c'est cette frontière-là que j'aimerais réussir. Oui, bien sûr. Et je sais qu'elle est difficile à définir, mais essayez de la définir avec vous. Elle est difficile à définir, certes, mais quand vous êtes fatigué, par exemple, par le travail ou par l'activité, vous avez quand même un sommeil réparateur. Vous arrivez, si vous prenez du repos, ça va mieux. Les choses rentrent dans l'ordre. Vous sentez bien que c'est parfois un excès de travail, un excès d'activité, de déplacement, etc. et qu'on peut arriver à rectifier un peu les choses. Dans le syndrome de fatigue chronique, c'est différent. Les gens vont pas aller mieux, même s'ils prennent des vacances. Même s'ils se reposent, ils vont pas mieux. Ils ont toujours les mêmes symptômes. Et d'ailleurs, personne comprend pourquoi ils ont les mêmes symptômes alors qu'ils ont pris des vacances, ils sont arrêtés, etc. Et puis, donc, ils vont voir le médecin légitimement parce que là, ils commencent à s'inquiéter pour ça. Et le médecin ne trouve rien. Entre guillemets, il dit, on fait des examens. On finit par faire beaucoup d'examens. Parce que ce sont des patients, moi, quand je les vois arriver en consultation, en général, ils ont été multi-explorés avec de l'imagerie. Ils ont vu le cardiologue, ils ont vu le neurologue, ils ont vu le rhumatologue, l'interniste, etc. Et on ne trouve rien. Donc après, on commence à voir avec eux les symptômes. Et c'est très exactement ce que disait Frédéric. C'est-à-dire que les symptômes, finalement, sont assez stéréotypés. Et voilà, on voit cette histoire. Alors on peut retrouver de temps en temps des facteurs déclenchants. Donc, c'était traditionnellement certaines infections virales. Mmh. Et ça va étonner personne, mais la Covid-19 est une pourvoyeuse de syndrome de fatigue chronique. Comme on le savait d'ailleurs, comme on peut s'y attendre, parce que avec le SRAS, on avait quand même, quand vous reprenez les études, donc que personne n'avait lu, qui avaient été menées en Asie, au Japon ou à Hong Kong, on savait qu'il y avait un pourcentage extrêmement important de gens qui gardaient une fatigue chronique plusieurs années après le SRAS. Donc on pouvait s'attendre à voir la même chose. Et pour le MERS aussi d'ailleurs. Et pour le MERS aussi, ouais. Absolument. Donc on retrouve donc sur ces symptômes. Et il y a un point qui est très important, mais on en parlera peut-être avec l'interview que vous avez faite de Mehdi Aoun Sebati, c'est la composante cognitive. Parce que vraiment, elle est consubstantielle du syndrome de fatigue chronique. Et elle n'est pas corrélée à la fatigue, ni à la douleur, ni à la dépression. Parce que ça, c'est un point qui est très important. Parce qu'on a tendance à dire, on l'a tous vécu ça, vous êtes complètement crevé le soir, si vous avez à travailler sur un, vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous avez du mal à lire des choses compliquées. Bon, ça on l'a tous vu. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. C'est des gens qui ont une difficulté à faire fonctionner correctement leur cerveau, et ça va être variable, d'intensité variable selon les patients, et ce n'est pas corrélé à la fatigue, au niveau de fatigue quand on le mesure. On a longtemps, François-Jérôme Autier, classé cette affection comme somatoforme, c'est-à-dire comme un problème psychiatrique ou psychosomatique. Aujourd'hui, c'est écarté complètement ? Eh ben, le trouble somatoforme existe toujours dans la classification des maladies psychiatriques. Donc ça reste toujours et c'est toujours dit. Moi, j'ai toujours des collègues qui emploient ce terme de trouble somatoforme pour parler des syndromes de fatigue chronique. Ce que ça n'est pas si on prend la définition des troubles somatoformes. Une question de mon confrère Yann Cornillier. Je voulais préciser pour effectivement, c'est l'absence de marqueurs biologiques en fait qui fait que il y a beaucoup de difficultés du diagnostic. C'est vrai. Et c'est vrai que ça fait un peu la particularité, mais en même temps, c'est pas la seule pathologie. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Complètement d'accord. Vous prenez la migraine. C'était une définition qui est purement clinique. Alors maintenant, on a trouvé avec le temps des marqueurs en imagerie un peu complexes, d'ailleurs qu'on fait jamais, du reste. Mais on sait qu'il y a des traits caractéristiques au plan physiopathologique. Et c'est exactement la même chose pour le syndrome de fatigue chronique. Quand on fait comme ces patients ont des plaintes cognitives, on les explore. Moi, je suis neurologue de formation, donc j'ai tendance à aller explorer ces troubles-là d'une manière comme on fait en neurologie quand on a un patient qui vient avec des troubles cognitifs. Si on fait de l'imagerie fonctionnel cérébral, eh bien, on va voir des troubles, on va voir des anomalies. C'est peut-être là un biomarqueur, d'ailleurs, ce qui pourrait émerger. Ça, c'est une première avancée. Donc, une maladie, elle peut être définie par des critères diagnostiques. Il suffit surtout qu'on soit d'accord, que ce soit accepté, connu et reconnu. Frédéric Donnard, vous souhaitiez réagir également ? Oui, comme le disait François-Jérôme, c'est... Je crois que c'est une affaire de télescope ou de loupe. On voit des patients qui arrivent avec des valises entières d'examens, tous plus normaux les uns que les autres. On est allé screener un certain nombre de pathologies classiques de la fatigue. On a répété les examens, on a répété et fatigué le patient à passer un certain nombre d'examens. Et pour autant, il n'y a pas de marqueur. Par contre, si on prend des loupes différentes, et je crois que c'est ça peut-être le message à faire passer, on s'aperçoit quand on regarde la littérature que nous avons des équipes, notamment l'équipe de Galli qui a travaillé, et nous avons retrouvé les mêmes résultats. Si vous faites un dosage de lactate à tous les patients qui se présentent avec un vrai syndrome de fatigue chronique, vous avez déjà un tiers de patients qui auront de l'acide lactique au repos qui est anormal. Mmh. Et ça, c'est une vraie prise de sang toute simple à faire, et pourtant on ne la fait pas en systématique, on fait bien d'autres choses bien plus coûteuses. Rappelez-nous, Frédéric Rotenas, pardon, je vous interromps, l'acide lactique, c'est de l'acide qui est produit par l'effort musculaire, vous pouvez juste nous redire exactement ce que c'est. Le sportif, si vous voulez, quand vous avez fait un effort un peu trop important, vos muscles produisent de l'acide lactique, c'est une forme de fermentation, et ça peut se doser dans le sang. Ben, ces patients-là, sans réellement faire d'efforts vraiment au sens sportif du terme, dès le départ, ils ont un métabolisme qui se met sur un mode fermentation, et donc on peut imaginer que si vous venez de faire 10 km et que vous avez mal partout et que vous êtes rempli d'acide lactique, on va vous demander d'en faire 10 de plus, c'est pas possible. Et donc quand vous prenez la bonne loupe, on sait maintenant, donc si vous faites ces examens d'imagerie fonctionnelle, vous voyez qu'il y a des anomalies. Si vous faites un dosage des lactates, vous voyez qu'il y a un tiers des patients qui ont des anomalies. Quand on va chercher des examens un peu plus poussés au niveau immunologique, par exemple, on sait que certains patients ont des déficits dans certaines formes de lymphocytes, un petit peu d'auto-immunité, et tout ça mis bout à bout, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont publiées, avec à chaque fois un petit bout de la lorgnette, mais avec des anomalies très très franches. Nous, on travaille par exemple sur le stress oxydant, on voit bien qu'il y a une sécrétion chez ces patients, de l'oxydation, c'est un peu comme de l'acide, et ils ont un défaut justement de neutralisation de cet acide que l'on peut mesurer. Donc on voit bien que ce sont des patients qui ont des anomalies de fonctionnement et des neurotransmetteurs, des cytokines, des auto-anticorps qui ont tendance à altérer le fonctionnement normal de tout individu. Donc on entend tout de même dans ce que vous nous dites qu'il n'y a pas de marqueur biologique précis, c'est-à-dire qui discriminerait absolument à 100%, mais néanmoins il y a une accumulation de petits dérèglements qui finissent par produire l'effet et le panorama diagnostique que vous venez de décrire, Frédéric Rotenas. Oui, et notamment, nous, on a une autre approche sur Marseille avec Yves Jam, c'est de faire pédaler les patients, de leur faire faire une épreuve d'effort. Et on a même des cardiologues qui nous envoient des patients en disant « je comprends pas, l'épreuve d'effort est normale, mais le patient ne peut pas monter dans les tours ». Et clairement, nous, quand on les explore, on fait ce qu'on appelle des électromyogrammes de surface, et on montre que l'onde qui devrait être l'onde normale musculaire, elle est complètement différente d'un sujet sain chez plus de la moitié des patients. Donc on voit bien que suivant le prisme de l'examen que l'on va faire, on objective ce que nous raconte le patient de façon clinique, simplement en l'interrogeant. Oui, alors il y a une grande difficulté avec on a des examens comme tu l'as dit qui sont des examens assez sophistiqués, assez précis, qui peuvent montrer des anomalies quand on sait ce qu'on va chercher et quand on met en œuvre les outils pour les chercher. Après, la grande difficulté qu'on a, c'est que on manque d'études à grande échelle pour déterminer la valeur diagnostique exacte, la sensibilité, la spécificité de ces anomalies. Ça va être maintenant le travail qu'il va falloir faire, c'est-à-dire déterminer à partir des travaux de recherche des facteurs qui seraient des biomarqueurs potentiels et aller vraiment les évaluer à grande échelle, avec des cohortes de patients différents. C'est-à-dire, par exemple, en prenant des patients déprimés, des vrais déprimés suivis en psychiatrie, des patients qui ont un syndrome de fatigue chronique répondant aux critères internationaux qu'on aura fixés, et puis monsieur tout le monde, voilà. Et les contrôles, etc. Ouais. Allez-y, Yann Cuvier. Oui, c'est vrai que nous, pendant notre enquête, on s'est rendu compte que finalement, il y avait quand même beaucoup de recherches quand même qui étaient menées, qu'il y avait des mécanismes biologiques qui étaient identifiés. Mais ce qui manquait, c'était effectivement, si on avait des pistes, il n'y avait pas encore véritablement de lien de causalité qui était fait peut-être avec le syndrome de fatigue chronique. Mais en fait, ce qui manquait, c'était effectivement des recherches à grande échelle sur les cohortes. Absolument. Et sur des cohortes homogènes, si j'ai bien compris. Alors peut-être que ça, je vais peut-être expliquer un peu pourquoi, en fait, quel est l'enjeu d'avoir des cohortes homogènes. Bah, des cohortes homogènes, c'est pour avoir des patients qui aient à peu près les mêmes symptômes, le même degré de sévérité, et surtout avec des groupes de comparaison pour qu'on puisse déterminer la spécificité d'un marqueur. Par exemple, si vous avez, évidemment, on va trouver des anomalies dans tant de pourcents des patients avec un syndrome de fatigue chronique, mais si on ne vérifie pas que cette anomalie est présente dans d'autres cas de figure, on n'arrive pas à en faire un marqueur vraiment diagnostique spécifique. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre identifier des dysfonctionnements, des anomalies biologiques, métaboliques dans une cohorte de patients et passer à l'étape du test diagnostique qui est vraiment très clairement associé à la maladie. Ça, il y a toujours une différence là-dedans. Vous prenez par exemple simplement un marqueur d'inflammation. Il peut être très élevé dans certaines maladies, dans diverses maladies. Pour autant, il ne sera pas spécifique. Il n'en fera pas un test diagnostique, voyez. Alors que ça peut être un élément très caractéristique du syndrome. Frédéric Rutenès, peut-être un mot sur l'épidémiologie, parce que l'une des caractéristiques épidémiologiques de ce EMSFC, c'est la très très forte surexposition des femmes par rapport aux hommes, 4 fois plus de cas chez les femmes que chez les hommes. Oui, alors c'est ce qu'on observe dans les cohortes, sans réellement, pour l'instant, de pistes qui se détacheraient franchement. On a des pistes sur l'œstradiol notamment, sur certaines hormones féminines et leur surexpression chez ces personnes-là. J'ai, sans vouloir un petit peu galvauder les choses, il y a aussi quand même un certain nombre de patients qui expriment des syndromes de fatigue chronique, qui ont des passés traumatiques. Alors c'est vrai que c'est difficile d'aller sur cette piste parce qu'à chaque fois c'est la piste où l'on veut nous emmener, mais au-delà de la piste infectieuse qui est quand même la plus fréquente, on a aussi un certain nombre de situations de maltraitance et chez les femmes et qui sont donc plus fréquentes en nombre. Donc une piste possiblement, on va dire, hormonale, une piste liée à des antécédents de stress chronique et puis il y a peut-être d'autres axes que l'on n'a pas encore explorés et dont que l'on contraindra peut-être mieux dans le futur. Hein. C'est comme pour l'auto-immunité, il y a plus de femmes que d'hommes et là on rejoint encore ce petit phénomène d'auto-immunité qu'on retrouve chez un certain nombre de syndromes de fatigue chronique. On va continuer à explorer un peu cette affection encore une fois qu'on appelle syndrome de fatigue chronique par défaut, mais qui, comme vous venez de l'entendre depuis le début de cette émission, recouvre des choses bien plus importantes que ce que le seul mot de fatigue peut laisser entendre. On va aller à l'hôpital Henri Mondor à Créteil dans quelques instants dans le reportage, et puis on essaiera de trouver l'origine de cette fatigue. Est-ce une origine infectieuse, immunologique? Quelles sont les pistes qu'explore la recherche en ce moment? Restez avec nous, on revient dans un instant. We'll be right back. retrouver Rita Mitsouko à 16h35 sur France Culture. Fatigué d'être fatigué, nous parlons du syndrome de fatigue chronique, également appelé encéphalomyélite myalgique ou maladie de l'intolérance systémique à l'effort. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie de Frédéric Retornaz, qui est médecin spécialiste en médecine interne à l'hôpital européen de Marseille, et François-Jérôme Autier, qui est responsable du centre de référence des maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. C'est une émission en partenariat avec le magazine de l'INSERM, et mon confrère Yann Cornillier, qui est rédacteur en chef au magazine de l'INSERM et qui est avec moi pour mener cette émission. L'un des enjeux, vous l'avez entendu, du diagnostic du SFC, donc de réussir à trouver des signaux caractéristiques ou discriminant, et c'est ce à quoi s'emploie notamment l'équipe de la plateforme Symptômes à l'hôpital Henri Mondor. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas. Vous êtes allé comprendre comment ils travaillent sur place avec leurs patients. Et oui, cette plateforme Symptômes se trouve dans les sous-sols de l'hôpital, là où on fait de la médecine nucléaire. Pour le docteur Mehdi Aounsebaïti, qui est neuropsychologue, cet appareil est très utile dans le phénotypage cognitif des patients atteints de fatigue chronique. Car les symptômes, en effet, sont difficiles à identifier et souvent confondus avec d'autres syndromes. Mais avec cet appareil utilisé à l'origine pour le cancer, il est possible de mieux identifier les biomarqueurs de fatigue chronique grâce à son fonctionnement hybride, un couplage de deux techniques. L'IRM et la TEP, un atout qui permet en un seul scan d'obtenir des informations anatomiques, métaboliques et fonctionnelles. En fait, la symptomatologie, elle est assez intéressante parce que vous avez une symptomatologie de base, qu'on peut appeler une symptomatologie fil rouge, qui va regrouper un ralentissement de la vitesse de lecture, également des troubles de l'attention sélective en entrée visuelle. On va avoir des troubles également de la mémoire à court terme visuelle. On peut avoir des troubles de l'attention en entrée auditive, mais l'entrée visuelle pose vraiment un souci chez ces patients. Et donc vous avez une symptomatologie de base, c'est-à-dire des patients qui vont présenter que ces symptômes, et d'autres patients qui vont avoir des symptômes surajoutés, notamment qui vont toucher ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont les fonctions qui vont contrôler, réguler l'activité cognitive. Et vous allez avoir encore un groupe de patients qui va présenter d'autres symptômes, notamment des troubles du stockage en mémoire épisodique, en mémoire à long terme, notamment en modalité verbale. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est voir si on peut introduire des éléments quantitatifs, notamment sur le plan cognitif. Est-ce qu'il y a des marqueurs cognitifs du syndrome de fatigue chronique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va retrouver particulièrement dans cette pathologie? Il faut bien savoir quand même que malgré tout en cognition, en neurocognition, on n'a pas de ce qu'on appelle de pathognomonie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes qui signent de maladie. Un trouble de stockage en mémoire, vous le verrez dans le syndrome de fatigue chronique, vous le verrez dans une encéphalite limbique, vous le verrez dans une maladie d'Alzheimer. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir si on a des symptômes qui reviennent, c'est la fréquence d'apparition des symptômes au sein même d'un groupe de patients qui présentent la même pathologie. Et là, on peut dire qu'en effet, on a potentiellement des marqueurs. Et c'est ce qu'on a trouvé chez les patients, donc c'est ce qu'on est en train d'écrire, c'est ce qu'on va publier très bientôt, ce qu'on a déjà aussi évoqué dans d'autres papiers auparavant, dans d'autres études. Après, le tout, c'est de se dire, mais d'où viennent ces symptômes? Ils ont une origine neurologique, certes. Vous déterminez les causes, maintenant. Quelles sont les causes, au final? On imagine qu'elles sont multifactorielles. Ben en fait, c'est ça qui est intéressant avec le syndrome fatigue chronique, c'est qu'on a une pathologie qui regroupe plusieurs symptômes, mais qui a potentiellement plusieurs voies d'entrée. Et nous, notre travail, c'est de dire, est-ce qu'il y a une corrélation avec le cerveau? Est-ce avec un trouble qui va concerner la sphère neurologique? Et c'est là que l'imagerie, notamment, on bénéficie de la technologie qu'on a en Rimondor. Hein. C'est rare d'avoir un hôpital dans lequel on a cette technologie justement qui va coupler l'imagerie TEP, donc la tomographie par émission de positons, et l'IRM. Et on utilise en fait cette technologie-là pour voir si on retrouve des corrélations, des liens entre les symptômes et des anomalies d'imagerie. On va faire un petit peu le parcours du patient, de son arrivée à l'hôpital Henri Mondor. Donc là, on rappelle, on est au service neurologie. Exactement. Donc là, on est tout à fait au service de neurologie. Donc les patients arrivent en hôpital de jour. Ils vont être reçus par l'équipe médicale présente ce jour-là, bien évidemment. Donc, ils vont être placés dans des chambres. Ils vont recevoir les soins infirmiers, bien sûr, donc tout ce qui est prise de sang, etc. Et ensuite, donc, leur planning d'examen est prévu bien évidemment à l'avance. Et donc les différents professionnels directement ou des brancardiers viennent les chercher pour les amener en salle d'examen. Ensuite, on va peut-être descendre. Donc là, admettons le patient attend, il a effectué son bilan neuropsychologique en salle d'examen. Et ensuite, il va être ramené en chambre et là, il va venir chercher pour descendre, notamment en service de médecine nucléaire. Donc Là, on arrive à l'étage de la médecine nucléaire. Donc là, les patients vont être amenés vers les machines, d'accord, qui sont les machines dans lesquelles ils vont rester quelques minutes, pendant lesquelles vont être capturées ces images du cerveau, à la fois sur le plan de l'IRM et sur le plan du TEP. On sait que ça peut être un exercice un peu anxiogène pour les patients, et là, ça permet aussi un gain de temps. C'est un gain de temps énorme. C'est, en fait, on a deux types d'imagerie qui vont être réalisées de manière très proche et avec des résultats qui vont nous faire avancer sur le plan diagnostique et qui vont nous faire également avancer sur le plan de connaissance sur la pathologie, donc sur le plan de la recherche clinique. Donc là, il y a le patient qui est donc dans la machine, justement, et puis vous avez donc les médecins, les médecins radio qui sont derrière les vitres, qui vont surveiller que l'examen se passe bien, les images qui arrivent sur les ordinateurs, qui sont traitées par les différents professionnels du soin et qui vont permettre justement d'avoir des informations très rapidement. On arrive à avoir des informations dans la journée, justement, sur les résultats de type d'IRM, de TEP, donc ça permet vraiment d'avoir des choses qui avancent très rapidement et très efficacement. Et là, par exemple, ce patient, il souffre de quoi exactement ? Donc là, du coup, voilà, donc le patient présente une symptomatologie qui évoque un syndrome de fatigue chronique, et donc il va passer des examens d'imagerie qui permettront d'avancer sur l'hypothèse diagnostique et, in fine, d'avancer également sur les connaissances qu'on pourrait avoir de la pathologie. Donc là, on peut le voir à travers la vitre, mais là, l'acquisition va prendre combien de temps pour être exécutée ? L'acquisition, ça va prendre... Oui, voilà, c'est vraiment quelques instants, ça va quand même relativement vite, c'est relativement efficace, et ça permet d'avoir des résultats de manière quand même très rapide par rapport à tout ce qui est fait dans ce cadre de ce type d'examen. Et alors vous intervenez aussi en bout de chaîne, enfin, dans l'interprétation de ces mesures ? Non, en fait, moi, mon travail en tant que cognitiviste, ça va être de voir si on a des choses cohérentes, après même dans toutes les pathologies, des éléments cohérents entre l'imagerie et le phénotype, et ce qu'on voit nous sur le plan clinique, sur le plan cognitif. In fine, en fait, le principe, c'est de déterminer avec plus de précision encore le phénotype inhérent au syndrome de fatigue chronique, notamment pour ma partie sur le plan cognitif, pouvoir déterminer à travers nos études justement quelles sont les anomalies neurologiques précisément et quel est le mécanisme pathogène. Et une fois qu'on a déterminé quel est le mécanisme pathogène, il est plus aisé de trouver des solutions thérapeutiques à long terme pour ces patients. Voilà le reportage du jour dans ce sous-sol de l'hôpital Henri Mondor que vous connaissez bien. Ah oui, bien sûr. François Jérôme Mottier, je vous laissais réagir à ce que vous venez d'entendre. Non, mais c'est très intéressant parce que justement, l'imagerie fonctionnelle, c'est un progrès énorme pour nous dans des maladies qui n'ont justement où l'IRM morphologique est habituellement normal. Et même, on se doit d'écarter une maladie neurologique comme la sclérose en plaques, par exemple, qui peut donner des troubles cognitifs comparables, y compris en début d'évolution, à ceux qu'on voit dans le syndrome de fatigue chronique. Donc c'était effectivement très important, et on voit cette différence, cette discordance qu'il y a entre une IRM qui est tout à fait normale et une TEP, donc une imagerie fonctionnelle qui est très altérée. Alors ça, c'est très intéressant, effectivement, dans la compréhension, mais c'est surtout intéressant pour nous, c'était pour montrer, parce qu'on a besoin d'imager des troubles. Et comme vous l'avez dit, une des difficultés, c'est qu'on, paradoxalement, c'est un peu curieux, mais les symptômes, ça suffit pas. Quand on discute avec d'autres collègues, avec des médecins, avec les organismes, par exemple, de sécurité sociale, etc., on a besoin d'étayer par des examens complémentaires les plaintes des patients. Et là, on a un examen qui est tout à fait intéressant parce que il montre effectivement qu'on a des anomalies de fonctionnement du cerveau qui sont très évocatrices. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Et l'évaluation neuropsychologique, elle est aussi très importante parce qu'on a tendance à banaliser les difficultés cognitives des patients, ce qui est une grave erreur parce qu'il y a des patients qui sont très sévèrement déficitaires et qui ont vraiment une incapacité à fonctionner normalement. C'est-à-dire en concentration, en compréhension. Alors voilà, il y a l'attention et la vitesse de traitement qui sont constamment altérées. Donc ça, c'est vraiment, ça impacte la vie quotidienne, mais c'est des choses qui sont assez facilement réversibles. Pour autant, il y a des difficultés qui sont plus profondes. C'est les fonctions exécutives, c'est-à-dire un peu les fonctions support, c'est-à-dire ce qui sert à organiser le fonctionnement du cerveau, et puis des troubles mnésiques qui peuvent être très importants. Yann Cordelier. Et on sait ce qui se passe au niveau du cerveau, de nos neurones, pour expliquer ce phénomène. Ah ben ça, c'est très intéressant, parce que ça, on ne sait pas. Alors, on a des idées quand même. On a quelques idées. Mais... Il y a une étude publiée en 2014 dans Radiology Society of North America qui note une anomalie dans la substance blanche. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des anomalies dans la substance blanche. Il y a eu des... Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces anomalies ? Oui, il y a des anomalies notamment qui sont sur la connectivité. Et c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres cas de figure. Par exemple, on sait que ça existe dans l'hépatite C, dans le VIH. On peut avoir des anomalies qui sont ténues, discrètes, qui existent. Mais ce sont des anomalies qui sont pas toujours très spécifiques. Ce qu'on a vu aussi par des techniques de TEP, mais avec des traceurs très spécifiques d'inflammation, qu'on pouvait avoir des signes inflammatoires dans le tronc cérébral. Alors ça, c'est très intéressant, sauf qu'on peut pas le faire en pratique, parce que ça nécessite, c'est avec des traceurs qui contiennent du carbone 11, qui nécessitent un accélérateur de particules à proximité pour être produit. Donc c'est simplement de la recherche. Ça sera jamais dans le soin. C'est un problème. Vous voyez, c'est une difficulté. Mais on voit bien qu'on s'approche comme ça petit à petit avec des techniques qui pourront nous permettre d'imager correctement les patients. Frédéric Retornaz, un mot sur ce que vient de dire François-Georges Mottier, sur le reportage plus généralement et sur cette problématique de l'imagerie cérébrale. Alors moi, je me positionnerai pas sur l'imagerie cérébrale parce que c'est absolument pas du tout ma thématique ni ma discipline. Donc je pense que Jérôme est beaucoup plus compétent que moi. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'approcher en fait ces patients. Nous, on approche plus sur la partie, on va dire, musculaire. Les anomalies, là on commence à travailler aussi sur le microbiote par exemple de ces patients, puisqu'il y a pas mal de papiers qui sont sortis qui montrent un certain nombre d'altérations. Donc je crois que en fonction de la ressource que l'on a et puis peut-être aussi des professionnels qui nous entourent, on a tendance aussi à faire des explorations un petit peu complémentaires, et je crois que cette richesse, elle est importante pour les patients, pour que on puisse montrer qu'il y a énormément de façons d'entrer dans la problématique de l'objectivité de ce syndrome. Je rejoins François Jérôme qui disait tout à l'heure que quand on veut faire reconnaître ses patients, c'est la croix et la bannière. Quand vous avez zéro anomalie biologique, zéro anomalie sur n'importe quel examen, demander une reconnaissance de travailleur handicapé, demander des aménagements professionnels, c'est quasiment impossible. Je parle même pas de demander une affection de longue durée. Et c'est vrai qu'on est très content, c'est horrible à dire, mais quand on voit une anomalie sur l'épreuve d'effort, ben ça va nous donner une accroche. Ça nous permet de citer des articles scientifiques pour montrer que le patient rentre dans un espèce de système qui nécessite des adaptations. Et c'est vraiment l'enjeu de ces patients, parce que l'objectif, c'est faire de la recherche, c'est une chose, et essayer de trouver un petit peu des déterminants communs, c'en est une autre, mais surtout au quotidien, c'est des patients qui, pour certains, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus fonctionner normalement, et il faut absolument les aider à avoir au moins de la ressource pour vivre, quoi, tout simplement. Peut-être un mot, puisque vous en parlez, Frédéric Retornaz, sur cette question du microbiote. On parle de certaines souches bactériennes particulières, de Candida albicans, notamment dans l'intestin et les muqueuses, ou éventuellement de staphylocoque doré. Est-ce que c'est une piste qui, pour aujourd'hui, est selon vous suffisamment exploitée ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à aller fouiller de ce côté-là ? Alors quand on parle de microbiote, on parle surtout de bactéries actuellement, hein, puisqu'il y a qu'un seul papier à ma connaissance qui s'est intéressé aux levures, et les candidats sont des levures. Oui. Alors il y a beaucoup de presse, on va dire grand public, qui parle de ces fameuses candidoses. Je rentrerai pas dans le sujet. Il y a une revue qui vient d'être faite tout récemment où l'on voit que certains patients présentent quand même, si l'on s'intéresse simplement aux bactéries, avec des bactéries qui sont pro-inflammatoires, un déficit de certaines bactéries qui sont, on va dire, anti-inflammatoires, et surtout un article qui pour nous a un petit peu questionné les choses, c'est-à-dire un article qui a montré que quand on fait pédaler des patients, si on prend des selles et si on fait une prise de sang avant le pédalage, et après, on voit que ces patients se retrouvent à avoir des bactéries qui passent dans le sang après l'effort, et donc qui ont un état de phénomène inflammatoire, on va dire, persistant. Et ça, c'est peut-être une des explications de ce fameux malaise post-effort avec des dysbioses importantes. Alors, une question peut-être très pratique, et puis j'aimerais qu'on parle éventuellement des possibles traitements ou de la guérison pour conclure cette émission, mais là, par exemple, je vois un auditeur, je pense que c'est un auditeur qui nous envoie un mot sur Twitter et qui dit « Moi, j'ai ça, je ne sais pas quoi faire au secours, qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire que si, par exemple, en écoutant l'émission, on se rend compte qu'on coche un certain nombre de ces cases-là et que pour autant, ben, tous les examens, comme vous l'avez déjà dit l'un et l'autre plusieurs fois, reviennent absolument négatifs avec aucun signe, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Par où est-ce qu'on peut commencer à être pris en charge et comment, Frédéric Le Tornaz ? Alors la problématique actuelle, elle est que on est submergé par le nombre de patients, puisque heureusement il y a de plus en plus de littérature, de presse grand public qui en parle, et donc ces patients-là peuvent commencer un petit peu à se faire reconnaître. Même les médecins commencent aussi à changer leur point de vue, et ça c'est vraiment une grande avancée. Après, dans les consultations, c'est vrai que beaucoup ont le parcours qui les envoie ensuite chez le psychiatre, chez le psychologue très très facilement, et malheureusement il y a pas un certain nombre d'examens qui sont faits de façon à la fois sur l'interrogatoire et sur les examens paracliniques qui sont, on va dire, très robustes. Les patients sont souvent très très rapidement orientés vers le fameux trouble somatoforme. Donc c'est un vrai enjeu, et malheureusement pour tous les patients, on ne peut pas voir 0,2% de la population pour les personnes qui s'y intéressent. Pour autant, je crois qu'il faut qu'on diffuse ces informations, qu'on diffuse un petit peu. Vous avez des associations qui font un boulot très intéressant et qui donnent de bons conseils. Vous avez des associations sur le syndrome de fatigue chronique notamment, qui ont beaucoup travaillé avec nous et qui ont fait des gros travaux d'information auprès des patients, avec des petits livrets comme des livrets sur le fameux pacing, peut-être que l'on parlera. Je crois que déjà ça peut permettre aux patients de s'y retrouver et d'avoir une organisation un petit peu dans son parcours. Oui, tu as tout à fait raison, Frédéric. Là-dessus, je voudrais prolonger en disant qu'il y a quand même une carence de moyens pour la prise en charge du syndrome de fatigue chronique. C'est vraiment, on est peu de médecins à revendiquer de s'occuper des patients avec syndrome de fatigue chronique. On est moins de 10 en France. Enfin, c'est quand même une anomalie. Alors effectivement, beaucoup de spécialistes disent mais sont capables de faire un diagnostic. Mais après, il y a une prise en charge, une organisation de la prise en charge. Et là, c'est défaillant. Il faut bien comprendre que on peut pas prendre en charge des patients qui viennent de toute la France. C'est impossible. On peut pas organiser ça. Je dirais simplement pour des questions de proximité géographique. Donc c'est un vrai problème de prise en charge, d'organisation du soin. Yann Cornillet. Oui, est-ce que justement avec l'épidémie de Covid et le fameux phénomène de Covid longue, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça commence un peu à bouger les choses ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est ça fait prendre conscience que c'est un problème auquel on est exposé, notamment quand il y a une infection, une pandémie qui déboule dans un pays. On est potentiellement exposé à ce genre de complications et que ça va générer un grand nombre de patients qui vont souffrir, qui vont consommer du soin, qui vont avoir besoin d'aide. Donc ça, très clairement, ça fait prendre conscience de la réalité du trouble. Mais je pense néanmoins qu'on voit revenir aussi, au travers du Covid long, comme on l'a vu dans le syndrome de fatigue chronique, le questionnement sur les troubles somatoformes dont on a parlé, c'est-à-dire que c'est un débat qui est en train de s'instaurer. Est-ce que c'est finalement une vraie maladie ? Est-ce que ce ne sont pas des réactions psychologiques exacerbées chez des gens névrosés ? Enfin, ce discours-là, on va le voir revenir. On est déjà en train de le voir venir. Donc, je pense que la Covid, c'est vraiment l'occasion de rebattre les cartes et de se reposer les bonnes questions. Mais il faut aller un peu plus loin que ce qu'on fait actuellement. Pour finir cette émission, en quelques mots, vous l'avez évoqué, Frédéric Le Tornaz, pacing, qu'est-ce que c'est ? Comment ça peut aider éventuellement les patients qui souffrent de SFC ? Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas le médicament efficace, absolu, et on en rêve tous, ou au moins on aimerait pouvoir améliorer plus ces patients que ce qu'on est en capacité d'apporter. Alors, on est très heureux que enfin des grandes institutions comme le NICE anglais, par exemple, aient arrêté de demander à ce qu'on réentraîne à l'effort nos patients. Ça fait des années que les médecins qui travaillent dans le syndrome de fatigue chronique alertent sur le fait qu'il ne faut pas réentraîner ces patients à l'effort, sauf quand ils sont sortis de la phase aiguë, qui sont en phase de stabilisation. Et il a fallu un certain nombre de voix internationales pour expliquer qu'on va aggraver les symptômes. Et au contraire, il faut, donc la technique pacing, hein, c'est une technique qui permet d'économiser sa batterie. Souvent, on prend la métaphore du téléphone portable. Quand la batterie est un petit peu défaillante, on n'a pas tant, si vous tirez sur le téléphone alors que votre batterie, elle marque qu'il est 100%, mais qu'au bout de 3 coups de fil, vous vous retrouvez avec 10% de batterie, c'est qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, vous avez intérêt à recharger votre batterie plutôt que de la décharger complètement. Et c'est vrai que toutes ces techniques-là sont très utiles pour les patients pour arriver à anticiper et ne pas passer dans ces phénomènes qu'on appelle, nous, les crashs, où le patient reste alité plusieurs jours, où là, on a dépassé les capacités de recharge vraiment de la batterie interne. Et donc, toutes ces techniques-là, c'est vrai qu'on passe du temps à les expliquer aux patients, parce que ben, ça va les aider dans leur vie quotidienne et dans la, on va dire, la réserve énergétique, on met tout. C'est-à-dire que les patients me disent « oui, mais moi, il faut que je travaille ». Et je dis « oui, mais attendez, il y a le travail, il y a le ménage, il y a les enfants ». Et tout ça, ça doit être pris en charge et en considération dans la quantité énergétique qu'on a dans une même journée. Parce qu'on oublie beaucoup de choses comme dépenses énergétiques qui sont parfois des dépenses que l'on ne voit pas. Et donc, la technique pacing, c'est une chose. Après, on a aussi la correction des symptômes qui sont associés. Vous avez beaucoup de patients qui sont douloureux. Vous avez des patients qui ont des troubles digestifs. Donc, tout ça, on essaye d'explorer au mieux pour pouvoir contrôler un petit peu les symptômes. Mais pour l'instant, toutes les études qui ont été faites sur des traitements, à ma connaissance, il n'y a pas un traitement qui est sorti du lot actuellement. C'est pas dit que ça vienne pas dans les années qui viennent. Sur 55 essais randomisés contrôlés, selon une étude qui date de 2020 dans The Journal of Translational Medicine, seuls 8 essais sont jugés significatifs, dont 3 avec des médicaments et 5 non pharmacaux. Oui, absolument. Avec en plus des essais, des groupes de patients répondeurs et des groupes de patients non répondeurs aussi. Ouais. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, ce qui montre bien que il faut mieux phénotyper les patients pour arriver à adapter le traitement aux conditions. Les considérer comme un groupe homogène, c'est probablement une erreur. Hein. Et là, je reviendrai sur le fait qu'on a effectivement des besoins de personnes pour évaluer correctement les patients. Frédéric Retornaz, en un mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. En un mot, ne pas forcer chez ces patients, faire le diagnostic et prendre toutes les questions qu'il faut. Et puis, on espère qu'avec la recherche, on pourra vraiment déterminer quels sont les groupes de patients qui bénéficieront ou pas de certains traitements. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Retornaz. Merci François Géraud-Mottier d'être venu nous parler de ce SFC. Merci. Mille merci à mon camarade Yann Cornillet. Je le rappelle, hein, numéro 52 de la revue de l'INSERM, La fatigue chronique, une vraie maladie, point d'interrogation. C'est à retrouver bien partout autour de chez vous. On vous a mis le lien vers la revue sur notre fil Twitter, @laméthodefc. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, François-Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Florent Bujon à la technique et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr et ce jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.